c'est que toi et moi, c'est pas pour la vie, mais que ça dure longtemps, au moins une semaine et demie. En tout cas, je prends mon temps, ne crois pas que j'aime pas, mais je suis réaliste. Je sais que beaucoup ne pensent pas comme moi, mais je m'en fous, moi j'insiste. Je sais que tu vas me lâcher sans pitié au moment où tu me connaîtras. Je serai qu'une pourrasse sur ta liste, mais je te jure que tu me laisseras pas dans un sale état. Que les gens vivent heureux, soumis à leur conquête de passage, mais viens pas pleurer sur mon épaule, alors que sur moi, tu avais tourné la page. Tu avais tourné la page. L'amour a aveuglé pour toi aussi sourd. Ouais, mais je l'aime. Cause toujours pourquoi tu restes avec un homme qui te fait chaque semaine pleurer. L'amour doit être avant tout fait de bonheur, pas passer son temps à stresser. Ça me rend fou de voir des gens se déchirer pour ça, pensant même au suicide. Je suis peut-être con, mais au moins j'ai les idées lucides. Et je sais que dans le mariage y'a le pire, mais c'est pas de l'amour s'il y a pas de meilleur. C'est pour ça qu'à tous vos couples, je dis I love you for never. I love you for never. I love you. I love you for never. I love you. I love you for never. I love you for never. I love you for never, c'est ce que tu m'as dit un jour. Pourtant, il y a une semaine, c'était pour la vie. Comment être pour mes girls? Tu n'as que 15 ans, respire un peu, ne pas se passer de moi. À faire attention à ce que tu fais pour un mec qui ne te veut qu'au pieu. Ne pleure pas pour une conquête passagère. Tu pensais quoi? Qui rêvait de villa au bord de la mer? Il y a des exceptions, mais voilà ma vision. I love you forever. Le mensonge est ta seule mission. I love you forever. I love you forever. Je crois que vous m'avez compris là. Je vais m'arrêter là. C'est pas que je crois pas en l'amour, c'est que je crois pas en la sincérité des gens. I love you forever, c'est ce que tu m'as dit un jour. Pourtant il y a une semaine, c'était pour la vie. Comment être pour mes girls? Tu n'as que 15 ans, respire un peu. Ne pas se passer de moi, à faire attention à ce que tu fais pour un mec qui ne te veut qu'au pieu. Ne pleure pas pour une conquête passagère. Tu pensais quoi? Qu'il rêvait de villa au bord de la mer? Il y a des exceptions, tant mieux, mais voilà ma vision. I love forever, le mensonge est ta seule mission. I love you forever. I love you forever. I love you forever. Forever. I love you forever. I love you. I love you forever. I love you forever. C'était qu'une parenthèse.